في السفر. هل سافرت في السنة الماضية؟ Avez-vous voyagé l'année dernière? نعم، سافرت إلى الإمارات. Oui, j'ai voyagé aux Émirats. وهل كان السفر متعبا أم مريحا؟ Le voyage était-il fatigant ou reposant? متعب قليلا. Un peu fatigant. كنت السنة الماضية في الإمارات لعدة أشهر. J'étais l'année passée aux Émirats pour plusieurs mois. هل ذهبت عائلتك معك؟ Est-ce que ta famille était avec toi? لا، كانت العائلة في بيروت. Non, elle était à Beyrouth. أنا كنت محظوظا لأنني سافرت الصيف الماضي. J'avais de la chance, car j'ai voyagé l'été dernier.